إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا العاشر في دراسة كتاب المورد لعدب الزلال للشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، فلا زلنا معشر الإخوة والأخوات في الباب الخامس، الذي هو بيان لمنهج الرسل في دعوة من الله عز وجل. وهذا أمر مهم وأصل أصيل، وهو أن نعلم كيف دعا الأنبياء وإلى ماذا دعوا. Donc, c'est notre dixième rencontre autour de l'étude de ce livre qui est la source abondante et délicieuse de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi حفظه الله تعالى. Nous sommes toujours au cinquième chapitre, qui est un éclaircissement sur la voie de la, da'wa des prophètes alayhim salatu wa salam. Et ceci est très important, est un fondement principal il faut savoir comment les messagers alayhim salatu wa salam ont fait leur da'wa et vers quoi ils ont appelé. فالشيخ حفظه الله تعالى في هذا بين لنا أن دعوة الأنبياء تركزت على ثلاث وصول، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد والمعاد والرسالات. Donc Cheikh حفظه الله تعالى il nous a montré dans ce passage, dans les passages au début de ce paragraphe, comme quoi la da'wa des messagers عليهم الصلاة والسلام a été basée sur le monothéisme et sur le fait de croire en l'au-delà et de croire en les messages des messagers عليهم الصلاة والسلام. ولا زلنا في دراسة الأمر الثاني وهو الرسالات، الإيمان بالرسالات. Et nous sommes toujours dans le passage, dans l'épreuve du deuxième passage qui est le message, le fait de croire aux les messagers عليهم الصلاة والسلام ou leur message. ويقول حفظه الله تعالى ومنها قصة عمرو بن الجموح، وهو أنه لما فشل الإسلام في الأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهم إليهم، فأسلم شباب من الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى نام وأخذوا صنمه وألقوه في حفرة العذرة فذهب يبحث عنه، فلما أصبح افتقده فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العذرة، فأخذه وغسله وطيبه ورده في مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذرة فوجده ملطخا بالقذر، فغسله وطيبه ورده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له: ولو أعلم الذي صنع بك هذا لفعلت وفعلت، ولكن هذا السيف، فإذا أراد أحد أن يأخذك فقاتله. فتركوه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب، ثم ألقوه في حفرة القذر، فلما رأه قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستذن، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتفع. Donc, et voici une autre histoire que nous cite Cheikh comme preuve comme quoi il faut croire en le messager alayhi salatu wa salam. C'est l'histoire d'Amr ibn al-Jamouh. Quand l'islam s'est propagé chez les alliés de Médine, chez l'Ansar, avec l'arrivée de Mus'ab ibn Umair ibn Mumktoum radiallahu ta'ala anhuma, beaucoup de jeunes se sont convertis à l'islam. Et fait partie de ces jeunes qui se sont convertis Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamouh. Et Amr ibn al-Jamouh, qui était son père, était une vieille personne qui est restée sur sa religion. Et un jour, ils l'ont laissé dormir, ils ont pris sa statue qu'il adorait, ils l'ont jetée dans la fosse dans le la fosse des impuretés. Hein? Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a commencé à chercher sa divinité qu'il adorait. Il est allé la chercher, il l'a trouvée dans la fosse. Et il l'a pris, il l'a lavé, après il lui a mis du parfum, et il l'a remis à sa place. La deuxième nuit, ils ont fait la même chose. Et le lendemain matin, il est allé le chercher, il l'a encore lavé, et il l'a parfumé, etc. Et il lui a mis un épée autour de lui. Il lui dit, Amr ibn al-Jamouh disait à sa divinité, si je savais qui avait fait cela, je lui refais ceci et cela. Mais voici l'épée, si quelqu'un veut te prendre, combat-le, ne le laisse pas. Et ils l'ont laissé jusqu'à ce que Amr ibn al-Jamouh soit endormi. Ils ont pris sa divinité et ils l'ont attaché avec le cadavre d'un chien et ils l'ont jeté dans la fosse. Et quand il s'est réveillé à ce moment-là, il l'a vu, il a dit, par Allah, si tu étais une divinité réellement, tu ne serais pas, toi et un chien, attaché au fin fond d'un puits. Malheur à toi. Hein? Et donc toute la poésie va, à la fin, il disait, et louange à Allah qui m'a sauvé avant d'être enterré dans les ténèbres d'une tombe. فهذا الشعر الذي قاله عمرو بن الجموح شعر طيب والشاهد منه والله لو كنت إلها ما لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن سبحان الله كيف مسخت عقول المشركين فاحمد ربك أيها المسلم على العافية كان بعض الناس يقول وهو يطوف بالكعبة الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وهذا لما كانوا على السنة ونحن اليوم نقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة ومنهج سلف هذه الأمة. Donc ça, cette poésie qu'a cité Cheikh ici, qu'a dit Amr ibn al-Jamouh, est une bonne poésie. Le témoignage dans cette poésie, c'est la parole de Amr ibn al-Jamouh qui disait رضي الله عنه. Par Allah, si tu étais réellement une divinité, tu ne serais pas toi et un chien au fin fond d'un puits. Regardez comment ils étaient les associateurs. Comment ils avaient plus de raison à qui ils vouaient leur culte. Et nous devons remercier Allah Azza wa Jal en étant musulmans, en étant soumis à Allah Azza wa Jal. Certains de nos puissants tournaient autour de la Kaaba et disaient « Louange à Allah pour le bienfait de l'islam ». Et il a dit, ça suffit combien fait. Et Hada, il le disait à une époque où ils étaient sur la sunna. Où ils étaient sur la sunna. Ils étaient proches de la source. Alors que nous, aujourd'hui, on dit, louange à Allah sur le bienfait de l'islam et de la sunna et de la voie de nos puiseurs d'Allah. L'an al-insan ida hurima. Hurima ni'mata sunna. Waqa fil bida. Wal khurafat. وانظروا حولكم من تبليغ وإخوان وياسينيين وما هم فيه من بدع ومحدثات وتأملوا أفراح عبد الله بن سبأ الرافضة والخوارج وتأملوا الصوفية وكيف يسبحون في بدعهم وخرافاتهم فسدت فطرهم وعقولهم حتى أنهم يقولون يجب على المريد أن يكون في أمام شيخه كالميت في يد مغسليه فالحمد لله على نعمة السنة وعلى نعمة الإسلام ونعمة السنة ومنهج سلف هذه الأمة والله إنها نعم عظيمة لا تقدر بثمن وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول والله ما أدري أي النعمتين أعظم أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء ما أدري أي النعمتين أعظم أن جعلني مسلما أو عافاني من هذه الأهواء لم أكن رافضيا أو جهميا أو صوفيا فعليك أيها المسلم السني السلفي أن تحمد ربك على أن اصطفاك ومن عليك بالإسلام والسنة واتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. Donc l'être humain, s'il est privé du bienfait de la sunna et de la voie de ses puiseurs, va tomber dans les innovations et dans les histoires à dormir debout. Regardez autour de vous. Hein? La majorité des frères musulmans, la majorité des Al-Tabligh, les Yassinites et autres, regardez comment ils baignent dans les innovations et dans les nouveautés dans la religion. Et méditez la situation des poussins d'Abdullah ibn Sabah qui sont Rafida et Khawarij. Regardez dans quelle situation ils sont. Et méditez la situation d'Al-Sofia qui disent à leurs disciples, vous devez être devant votre chir comme le mort, entre les mains de ceux qui le lavent. Et ils baignent dans leurs histoires à dormir debout, dans leurs innovations. Leur nature a été faussée, ainsi que leur raison. Donc louange à Allah Azza wa Jal pour le bienfait de l'islam, et pour le bienfait de la sunna, et pour le bienfait de la voie de nos puissants, d'Allah Alim. Car ça, ce sont des bienfaits qui n'ont aucun prix. Mujahid, rahimahullah ta'ala, disait, par Allah, je ne sais pas quelle est la meilleure des, la plus grande des bienfaits avec lesquels je suis comblé. Est-ce que c'est le bienfait d'être guidé dans l'islam, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a guéri de ses innovations. Il disait, je ne sais pas quel est le plus grand bienfait dans lequel je suis. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi musulman, ou alors qu'il m'a guéri et qu'il m'a éloigné des passions et de l'innovation? Je n'étais ni rafidite, ni jahmite, ni soufi. Donc il appartient aux musulmans salafi qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse des louanges à Allah azza wa jal qu'il a fait de lui quelqu'un qui est sur l'islam et sur la sunna, qui suit la voie de ses puiseurs, radhiyallahu anhu. وبال جملة فإن عشرات النصوص بل مئات النصوص موجودة في بطون الكتب من تفسير وحديث وسير تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ دعوته بغير التوحيد ومحاربة الشرك والنصوص دالة على ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر فأيما داع دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد مع أن الشرك فيهم فاش والأضرحة التي هي بمنزلة اللات والعزة لديهم موجودة والناس لها قاصدون وعليها مترددون بها يتطوفون ويتمسحون وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يهتفون ويلهجون ولهم من دون الله يدعون وإليهم عند الشدائد يفزعون ويلجأون ولتلك الأضرحة ينذرون وعلى أسمائهم يذبحون معتقدين أنهم يعطون ويمنعون ويغنون إذا شاءوا ويفقرون إن من دعا قوما هادي حالهم فسكت عن شركهم سكوت المقر ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله فإنه خالف الرسل كلهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم واتخذ سبيلا غير سبيلهم ومنهجا غير منهجهم بل قد خالف قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Et Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, il dit en général, il dit dizaines, mais plutôt des centaines de textes dans les livres de la Sunna et dans l'interprétation du Coran et dans les livres des biographies qui prouvent que le prophète alayhi salam a commencé sa da'wa avec le monothéisme et à combattre l'associationnisme. Et il dit les textes qui prouvent tout cela dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la Sunna du prophète alayhi salam sont nombreux. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas tous les citer. Et il dit toutes un prêcheur et tout quelqu'un qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala et il commence en commençant sa da'wa avec autre chose que le monothéisme, alors que l'associationnisme est monnaie courante dans ce peuple et que les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah azza wa jal sont monnaie courante dans ce peuple et que ces tombes ont la place du Lat et du Uzza chez ce peuple. Et les gens se dirigent vers ces tombes, et ils tournent autour de ces, ils font tawaf autour de ces tombes, ils essuient leurs mains et leurs poitrines sur ces tombes, matin et soir, ils ne font que citer ceux qui sont dans ces tombes, et ils adorent ces tombes en dehors d'Allah, Azza wa Jal, et vers ces tombes, ils s'orientent, au moment où ils sont dans des problèmes et dans des impasses. Et pour ces tombes, ils font des vœux, et pour, sur les noms de ces tombes, ils égorgent, croyant que ces tombes et ceux qui sont dans la tombe leur font le mal, leur donnent le bien, vont les faire enrichir, ou là vont les faire appauvrir. Et il dit, tout un chacun qui aura fait une da'wa à un peuple dont la situation est ainsi, et il s'est tu sur leur associationnisme, en approuvant cet associationnisme, il a dit, en agissant ainsi, il a appelé vers autre chose que le monothéisme. Et le monothéisme, c'est ce que implique l'attestation nidine d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Et celui-là, en agissant ainsi, il a été en divergence avec tous les messagers, alayhi salatu salam. Et en commençant de nous, alayhi salatu salam, jusqu'à leur dernier leçon, qui est Muhammad, alayhi salatu salam. Et il a pris un autre chemin, une autre voie que la voie des messagers, alayhi salatu salam. Et il a été en divergence avec la parole d'Allah Azza wa Jal qui disait, dis ça, c'est ma voix. J'appelle vers Allah avec science, moi et ceux qui me suivent. J'appelle vers Allah. Donc le monothéisme en priorité. Et au début, au milieu, à la fin, toujours appelé vers le monothéisme. Et voici maintenant une histoire pour te rendre compte que les gens ne comprennent rien. Il y a une dizaine d'années, quand nous avons commencé la da'wah salafia dans la région du Nord, dans un petit village, un de nos frères, on faisait des photocopies des trois principes fondamentaux. Qu'est-ce qu'il y a dans les trois principes fondamentaux? Appel au monothéisme. Appel au fait de réserver le culte exclusivement à Allah. Et parmi l'un des grands de ces deux Adiel Tblir, il vient et il attrape le frère, notre frère converti qui distribue dans ce jour-là. Il l'attrape et lui dit, donne pas ces livres à nos enfants, car nos enfants ne sont pas des associateurs. Regardez un petit peu. Regardez la bassesse dans laquelle. Si cet homme-là prenait le temps juste de lire ces trois principes fondamentaux, il va se rendre compte que ce qu'il est en train de dire est nul, est faux. وأولاده يقول الشيخ حفظه الله تعالى وأولاده أن يوفر على نفسه الجهد والعناء لأن كل ما كان على غير منهج الرسول صلى الله عليه الرسل فهو مردود غير مقبول قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il a dit que cette personne qui agit ainsi, il voit l'associationnisme qui et appelle à autre chose que le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Il dit, celui-là, il ne doit pas se fatiguer. Car toute chose qui n'est pas faite sur la voie du messager, il est rejeté à la personne, il n'est pas accepté min Allah Azza wa Jal. Car Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire l'ordre du prophète Alayhi Sallam, il lui sera rejeté. Hadith, il est authentique. وهنا يأتي تعليق للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى تعليق جيد يقول حفظه الله تعالى لعل قائلا يقول إن الداعي المشار إليه قد حارب الحكم بغير ما أنزل الله وهو من شرك التحكيم فهذا الكلام ماذا يقصد به؟ يقصد به الإخوان المسلمين وأمثالهم ممن يدندن حول ماذا؟ حكم الحي الحاء والكاف والميم الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله وسيأتي الكلام مفصلا عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المفلسون في كلام الشيخ محمد في كلام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى. Et ici un commentaire très important sur ce passage du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله. Il dit peut-être que quelqu'un va dire ce da'i auquel tu fais allusion, il a combattu le fait de gouverner avec autre chose que les lois d'Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie de l'associationnisme dans la législation. Comme si ces paroles d'Al Sheikh Najmi, avant le commentaire d'Al Sheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, s'il veut avec, il les dirige directement vers les frères musulmans. Qui tourne autour de ce verbe hakama, juger, ou là le hakimiya, ou là le fait de juger avec les lois de l'Allah, avec autre chose que les lois de l'Allah, et le détail va arriver sur les frères musulmans et sur Tablir dans ce livre. Mais ici, ce commentaire ici d'El Cheikh, Mohamed Nadi al-Madkhali, est très important. Il dit fal jawab pour cette chouba, parce qu'en réalité c'est une chouba. Tu dis, mais les personnes auxquelles vous faites allusion, ils ont combattu ceux qui jugent avec autre chose que les lois d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une chouba. Et là, Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali va anéantir cette chouba. Il dit, awalan, fahadi chouba, awalan, anna hada khilaf tariqat al-Rusul, salawatullahi wa salamu alayhim, faqad taqaddama lana, annahuma min nabiyin, يبعث إلى قومه إلا ويدعو قومه أول ما يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويرضون بحكمها ويسيرون ثانيا أنه ما من نبي يبعث إلى قوم الله وعند قومه من العادات والأعراف التي يتحاكمون إليها ويرضون بحكمها ويسيرون ويسيرون أمورهم عليها ما عندهم، ولم يؤمر أحد من الرسل أن يزيل تلك الأعراف ويترك الأوثان التي يعبدونها من دون الله، بل أمروا بالدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأوثان والأنداد سواء كانت قبورا أو أصناما أو أشخاصا أو غير ذلك. الشيخ محمد نادي من خليبور أن ينطير cette écraser cette ambiguïté, il dit ça premièrement, ceci est en divergence, le fait d'agir ainsi, de commencer par combattre Zama, soi-disant l'associationnisme dans la législation, ceci est différent de la voie du messager alayhi salatu wassalam, comme il a été cité dans les preuves qu'a cité Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. À tout prophète qui arrive, qui a été envoyé à son peuple, il appelle son peuple à la première chose vers laquelle il l'appelle, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, il dit Hafidhahullah Ta'ala, et tout prophète qui a été envoyé à son peuple adorait autre chose qu'Allah et jugeait avec des lois qui ne sont pas les lois d'Allah Azza wa Jal. Ils acceptaient ce jugement. Et toute leur situation est régie par ce jugement. Et le prophète ne lui a pas été ordonné d'enlever le coutume et de délaisser les statues et ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais il lui a été ordonné d'abord d'appeler vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal et vers le fait de délaisser, de donner le dos aux statues et à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les tombes, que ce soit les statues, que ce soit les personnes ou autres. Fayaqulu hafidhahullah ta'ala يأتي بدليل على كلامه يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Et donc il nous ramène ici les preuves comme quoi les messagers alayhi salatu wassalam, ils ont commencé avec le monothéisme et non pas avec ce que cela appelle shirk al-qusur, qui n'existe pas que dans leur imagination à eux. Et il dit, quand Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit à son peuple, c'est quoi ces statues que vous adorez? Ils ont répliqué, nous avons trouvé nos parents ainsi. Nous avons trouvé nos parents en train d'adorer ces statues. Et il leur a dit, vous et vos parents, vous étiez dans un égarement clair. Et il a dit aussi, et il a cité un autre verset, et ils étaient étonnés qu'un avertisseur est arrivé d'eux-mêmes. Il est qu'un avertisseur est arrivé d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur race. Il est mécréant, on dit, ça c'est un sourcier menteur. Est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Ceci est une situation extraordinaire et étonnante. Est-ce qu'il veut qu'on adore qu'un seul Dieu? Ceci est étrange. Ceci est étonnant. Donc il s'étonnait, moi, parce qu'il l'appelait vers le fait de réserver le culte, excusez-moi Allah Azza wa Jal. فَقَالَ تَالِتًا لِتْفْنِدِ عَدِي الشُّعْبَةِ أَنَّ تَحْكِيمِ الْقَوَانِينِ والأعراف والعوائد هي نوع واحد من أنواع الشرك، ولم يأمر الله عز وجل بأن تخصص الدعوة والإنكار لهذا النوع دون غيره من أنواع الشرك بالله تعالى بالله التي هي أشد خطرا منه وأكثر شيوعا منه. Et troisièmement, pour anéantir cette ambiguïté, c'est que le fait de mettre en application les coutumes ou là les lois inventées par les hommes, etc., ça c'est une forme d'associationnisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de lui faire da'wah et de l'anéantir particulièrement. En dehors des autres associations, des autres formes d'associationnisme. Et la plus importante qui est le fait de faire un associé à Allah Azza wa Jal. Et c'est là, il est beaucoup plus grave. Le fait de faire des associés à Allah Azza wa Jal, d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, est beaucoup plus grave que du juger avec les coutumes ou là avec... Et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager alayhi salatu wassalam de commencer à anéantir d'abord, de ramener les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Parce qu'une fois qu'il réserve le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, le reste va arriver de soi. فأنت ترى في الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ المعركة مع قومه في الشرك، ولم تكن معركة حول الحكم بغير ما أنزل الله. فهذه مرحلة ثانية، ولكن بدأ بما هو أصل كل شيء وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. كم من دعاة على الساحة الآن يتركون العوام على الشرك والخرافات ويذهبون ينازعون الحكام، وهذا منهج باطل لأنه ترك الأصل والأمر السهل القريب. وكم منهم من حولكم هنا في بروكسل يتهمون الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، وهم لا يحكمون شرع الله في أنفسهم. يروي لنا من هو ثقة عندنا وعندكم أن أحد هؤلاء في بروكسل يلصق، رآه يلصق دعايات أحد المرشحين المغاربة من الحزب الاشتراكي، وهو يكفر حكام المسلمين. وقيل عن نفس الشخص أنه يشتغل باسم المستعار ويأخذ هذا الذي تسمينه بالسوسيال، فكيف يتكلم مثل هذا في الحكام وهو لا يحكم شرع الله في نفسه؟ دونك كنتي فوا توا هي سي فيتو لو فيرسي ديال ابراهيم عليه الصلاه والسلام افيك كوا الى كومونسي لا باتاي افيك سون بوبل بور لي رامني فيغ لو مونوتيز الى كومونسي ا كومباتر دابور لو كولت كي سي دونا اوتر كالله عز وجل دونك لو كومبان نيتي با اوتور دو جوجمون autour du fait de juger avec autre chose que les lois d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une situation qui, c'est une étape secondaire. Mais l'étape principale et le fondement principal et l'étape primordiale, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le fondement principal, c'est ça. Combien de du'at maintenant tu vois sur le terrain? Sur le terrain, à travers la tête, à travers la planète. Il laisse l'awam tourner autour des tombes et égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Il laisse l'awam dans les énormités, des histoires à dormir debout, etc. Et ils vont, soi-disant, on est en train de combattre les hukkam. On est en train de faire le jihad contre les hukkam. Et ça, c'est une voie qui est nulle et fausse. Parce qu'ils ont laissé le fondement principal qui est facile, qui est proche, qui est le fait d'orienter les gens et d'appeler les gens vers le monothéisme, si on est allé vers quelque chose qui est difficile. Et un de nos frères hier, qui est digne de voix, qui habite ici avec vous à Bruxelles, il a dit que parmi ceux-là qui critiquent les gouverneurs dans le pays de l'islam et qui disent que les gouverneurs dans le pays de l'islam ne jugent pas avec les lois de Allah Azza wa Jal, il a été vu cette personne à coller des affiches d'un candidat marocain du Parti Socialiste. Hein, le candidat marocain il va juger avec les lois d'Allah. T'es-tu en train de lui faire la propagande? Hein? Et il dit de la même personne que cette personne travaillait, il travaillait avec un nom d'emprunt, il continuait avec son vrai nom de toucher le social. Comment Hada, il peut parler du gouverneur? Comment ça? Déjà, il faut qu'il applique la charia d'Allah et la loi d'Allah Azza wa Jal sur lui-même. Des fois, tu te demandes si ces leaders, et c'est des gens qui parlent comme ça, s'ils ne sont pas atteints d'une diarrhée mentale. Allah al-Musta'an. Fa, ou le wajib, ou le mufroud alayna, ou ham l'omour, ou huwa, fi mutanawali l'kul, al-da'watu ila al-tawhid. وهؤلاء يذهبون إلى ما هو أبعد منهم وما لا يمكن الوصول إليه. ذهب إلى علية القوم، هؤلاء يصعب تغييرهم، ولكن ما ذنب العوام لم يدعوهم إلى التوحيد؟ ما ذنب العوام تتركهم في الشرك؟ ما ذنب العوام تتركهم يسجدون لسدنبارك وللعباس وللبدوي وللمرغني وليحيى وللجيلاني؟ ما ذنب هؤلاء؟ ذهب إلى الرئيس أو إلى الملك يريد من أن يحكم بالشريعة، فهل هذا من العقل والحكمة؟ هل هذا من البصيرة؟ تترك الناس على الخرافات والشرك والبدع وتطالب بتحكيم الشريعة، ألا حكمت الشريعة في نفسك؟ ودعيت إلى ما دعا إليه أنبياء الله ودعوت إلى التوحيد وإلى ترك الشرك كما فعل أصفياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه شبه ليست في محلها وغير صحيحة، فهؤلاء يجب أن يبين حالهم للأمة وللشباب، لأنهم ما يدعون إلى التوحيد ويزعمون أنهم يحاربون الذين لا يحكمون بغير ما أنزل الله. فاسمعوا بارك الله فيكم، كونهم يحاربون كما يزعمون تحكيم القوانين الوضعية ويتركون محاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذا أصلا غلط، هذا أصلا مبدأ فاسد، فهذه طريقة مخالفة لطريقة الأنبياء والمرسلين. وفي كلام الشيخ وتعليق الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ما يكفي ويشفي لتفنيد كل هذا. دونك لوبليغاسيون دي زوبليغاسيون اي لو بيلي برينسيبال سي كو سي كون سوكيب دي مونوثيسم اي نو بالي ا كلك شوز كو نو بو با اوبتينير concurrencer les gouverneurs ou là, soi-disant, hein, combattre hein, le fait de juger avec autre que les lois d'Allah, Azza wa Jal. Ceci c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir comme ça facilement. Hein. Aller au plus haut sommet d'une société, aux gens qui dirigent la société, ceci des fois difficile à arriver à eux, difficile de les changer des fois. Mais c'est quoi le péché des awam, des communs des musulmans, que tu les laisses, tu les appelles pas au monothéisme, tu authentifies pas leurs dogmes, tu les appelles pas à authentifier leurs adorations, et tu les sors pas des innovations dans lesquelles ils baignent? Pourquoi tu les laisses adorer Bel-Abbas, ou la Sidi Mbark au nord du Maroc, ou la Badawi, ou la Sidi Hia dans la région d'Oujda, ou la Jilani, ou la Marghani en Égypte, ou là, etc. Tu vas vers le président, là vers le roi, tu veux du roi ou là du président de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal, et ça ne fait pas partie de la raison et de la hikmah et de la sagesse. Ça ne fait pas partie de la clairvoyance. Tu laisses les gens dans des histoires à dormir debout, dans l'associationnisme, dans les innovations, et tu demandes hein, aux autres d'appliquer la législation. Pourquoi toi tu n'appliques pas la législation sur toi? Parce que si tu appliques la législation sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler les gens vers le monothéisme. Et tu vas leur montrer le faux et le nul de l'associationnisme. Et tu vas les appeler vers l'authentique de la sunna. Et tu vas leur montrer ce que c'est que l'innovation. Et tu vas les appeler vers le fait d'authentifier leur culte. D'authentifier leur culte. Hein? Là, tu n'as pas. Tu demandes aux gens ce que toi, tu ne mets pas en application. Il t'est demandé d'appeler les gens vers le monothéisme, hein, et de les éloigner de l'associationnisme, et de les appeler vers la sunna, et de les éloigner de l'innovation. Pourquoi tu ne le fais pas? Il te demande aux autres, hein, ceci est faux. Alors ce point de départ est nul, et ce qui est basé sur nul sera nul toujours. Et ce point de départ, d'agir ainsi, hein, combattre les gouverneurs, là, soi-disant je fais des efforts pour changer ce, hein, qui gouverne avec autre que les lois d'Allah, Azza wa Jal, ceci est contraire à la voix du messager, alayhi wa salatu wa salam. Écoute, barakallahu fik, comme ils prétendent combattre, soi-disant ils combattent hein, ceux qui gouvernent avec autre que les lois d'Allah, Azza wa Jal, et laisser, ils ne combattent pas l'associationnisme, ils n'appellent pas vers le monothéisme, ceci est faux. Ceci est faux. Ceci est un faux départ. Et quand on a un faux départ, on a une mauvaise arrivée. Man hurim al-usul, hurim al-usul. Celui qui n'a pas les fondements et les bases n'arrivera jamais. Hein? Et donc, il agir ainsi, c'est contraire à la voix du messager, alayhi salatu salam. Et dans les paroles d'Yel Sheikh Najmi et Sheikh Mohamed bin Adin al-Madkhali, il y a assez pour assouvir notre soif et pour anéantir ses ambiguïtés. Amma al-asas al-thani, وهو تقرير المعاد. انتهينا من الأساس الأول التي تبنى عليه دعوة الأنبياء وهو الدعوة إلى التوحيد، والأساس الثاني تقرير المعاد. Maintenant nous avons terminé avec le premier fondement sur lequel doit être basé la Da'wa du messager alayhi salatu wassalam. Et maintenant, cher, il commence le deuxième à détailler et ramener les preuves, irhamukullah, du deuxième pilier qui est le fait de croire en le delà et ce qui va avec le delà. Le jugement, la balance, hein, la récompense, le châtiment, etc. أما الأساس الثاني وهو تقرير المعاد فقد قرره بطرق متعددة وأساليب مختلفة فتارة يذكر الله عز وجل إنكار الكفار للمعاد ثم يرد عليه مثبتا للمعاد ومؤكدا له بالقسم وغيره من المؤكدات كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Quant à cette deuxième base principale dans la da'wa du messager alayhi salatu wassalam, qui est le fait de ancrer dans les gens le fait de croire en l'au-delà, hein, il a été confirmé dans le Coran par plusieurs styles. Et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite des versets où il blâme les kuffars qui ne croient pas en l'au-delà et qui ne croient pas en la résurrection. Des fois même dans les phrases, il y a des sermons qui sont faits par Allah Azza wa Jal. Et il y a des petites lettres qui viennent pour appuyer, qui sont des lettres de confirmation. Hein? Ils ont ici dans ce verset, hein, dans surat Tarabun, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne vont pas être ressuscités. Hélas, par Allah ils vont être ressuscités. Hein? Vous allez être ressuscités. Hein? Certes, non, là il y a un appui avec le terme « certes, vous allez être ressuscités ». Et on va vous annoncer ce que vous avez fait. Et ceci est facile pour Allah Azza wa Jal. Et ça prouve, ce verset prouve que celui qui ne croit pas en l'au-delà, en la résurrection, etc., ce qui va avec, c'est un mécréant. Za'ama alladhina kafar. Ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne vont pas être ressuscités. Wa qawluhu. وقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم وتارة ببيان القدرة على ما هو أعظم على ما هو أعظم كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Aussi, les citations dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention. Et ceux qui ont mécru ont dit: l'heure ne va pas arriver. Certes, wa Rabbi, par mon Seigneur, il va arriver. Et par mon Seigneur qui connaît l'invisible, rien ne lui échappe, pas un atome, dans les cieux, sur terre, et moins que ça, rien ne lui échappe. Tout ça est dans un livre clair pour récompenser ceux qui ont cru et fait bonne œuvre. Ceux-là ont une grande récompense, un grand pardon, une noble subsistance, min Allah Azza wa Jal. Et des fois aussi, il attire l'attention sur la résurrection, en montrant la capacité et la puissance d'Allah Azza wa Jal, en attirant l'attention sur quelque chose de beaucoup plus énorme que la création de l'être humain. La création des cieux et de la terre est plus importante et plus grande que la création de l'être humain. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce qu'ils sont égaux, l'aveugle et celui qui voit? Et ceux qui ont cru et fait bonne œuvre, ou là ceux qui ont fait mal? Vous vous rappelez peu, et l'heure va arriver, il n'y a aucun doute. Mais beaucoup de gens ne croient pas. Ça, ce sont des versets que Cheikh sert pour nous prouver, hein, qu'il faut croire irréfutablement dans le delà, et la résurrection, le paradis, l'enfer, etc. وطارة بالتنبيه على الخلق وطارة بالتنبيه على الخلق الأول وأنه أصعب من الإعادة كقوله أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل شيء عليم. Et des fois, les versets sont là pour attirer notre attention. Hein, que la première création est beaucoup plus grande, est beaucoup plus grave, beaucoup plus grande, beaucoup plus énorme que la deuxième, que le fait de ressusciter. Et là, j'ai cette citation, l'être humain, est-ce que l'être humain ne voit pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et maintenant, il devient quelqu'un qui controverse dans nos signes. Et il nous donne des exemples. Il a oublié sa création. Et il dit, qui va créer les eaux alors qu'ils sont poussières? Dis-leur, Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés la première fois, va les créer une deuxième fois. Et il sait toutes les créations. وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقوله تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. Et aussi cette citation dit, celui qui a commencé la création au début, il va la recommencer. Et ça c'est plus facile pour lui, et plus aisé pour lui. Et là, le plus grand exemple, dans la création des cieux et de la terre, il est le puissant, hein, et le plus fort. Et aussi, cette citation, est-ce que l'être humain croit que nous n'allons pas réunir ces eaux? Certes, nous sommes capables de les réunir et de les reconstituer comme il était. Ah, c'est la puissance d'Allah Azza wa Jal. وطارة ينبه الله بإحياء الأرض بعد موتها المشاهد للناس في كل مكان وفي كل زمان كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Il faut aussi Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention des gens par ce qu'ils voient et par ce qu'ils parlent. Le fait de refaire vivre la terre qui est sèche, où il n'y a plus rien, hein, fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal, que tu vois la terre sec, aride, donne plus rien, stérile. Tout d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie, et tu vois cette terre qui donne de tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Celui qui l'a fait revivre, il est capable de faire revivre les morts. Et il est capable de tout. وقوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إلى غير ذلك من الأساليب التي أثبت الله عز وجل فيها البعث بعد الموت ورد على المنكرين له بل وتحداهم أن يكونوا أصعب شيء وأصلبه فقال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغطون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Et aussi sa parole qui dit, c'est lui qui envoie les vents comme annonce entre eux avant l'arrivée de sa clémence. Et ils arrivent sur des nuages qui sont lourds, et ils dirigent ces nuages vers là où veut Allah Azza wa Jal, et vers la terre morte, et ces nuages déversent de l'eau sur, hein, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et de cette terre qui était aride, qui était morte, il y a tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui sortent. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala refait vivre la terre. Et ainsi, il ne fera revivre. Hein? Il y a beaucoup de styles dans le Coran qui prouvent que la résurrection aura lieu après la mort. Et beaucoup de passages dans le Coran où il y a des répliques à ceux qui rejettent et qui ne croient pas en la résurrection. Hein? Avec un style très fort. Par exemple, il leur dit, dites, soyez pierre. Ou soyez fer, autre chose beaucoup plus puissante que ça, ce que vous croyez plus puissant, soyez ainsi, yak. Ils vont dire, qui va nous refaire revivre? Celui qui vous a créé la première fois. Ils vont baisser leur tête. Ils vont te regarder, plutôt. Et ils vont dire, quand est-ce que ça sera? Et peut-être que ça va être très proche. Le jour où il va vous appeler, vous allez répondre. Et vous allez croire que vous êtes resté tout simplement un laps de temps. Et on va arrêter là, Inch'Allah, parce que le frère Ammar, il commence maintenant le cours. Et demain, Inch'Allah, on reprend cours ici. Donc, nous avons terminé le deuxième principe, le deuxième fondement de la da'wah des messagers, alayhi salatu wassalam. On terminera le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Il y a le cours du frère Ammar qui va débuter d'ici 5 minutes, Inch'Allah. Et demain, on va essayer un petit peu de démarrer vers le cours de 19h15, pour pouvoir arrêter à 20h30, parce qu'il y a le cours du frère Ammar et les autres frères qui font cours. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakum allahu khairan.